L'ouverture de l'exposition nationale de réalisation informatique des étudiants a eu lieu le 5 au Palais des sciences et techniques à Pyongyang en présence de Lee Il-hwan, chef de département du comité central du Parti du travail de Corée, des cadres intéressés, des permanents de l'Union de la jeunesse et des étudiants. L'exposition réunit plus de 1300 inventions et produits de l'informatique, fruits des activités des cercles de recherche scientifique.